Tant de malheur et de paix, la solitude et l'angoisse. Au fond de moi bouillonne la douleur et la souffrance. Toujours à l'attente du jour, jour de bonheur promis. Ça finira par marcher, ça finira par arriver. Je crois, je crois. Tant de malheurs et de peines, la solitude et l'angoisse. Au fond de moi bouillonne la douleur et la souffrance. Toujours à l'attente du jour, jour de bonheur promis. Ça finira par marcher, ça finira par arriver. Je crois, je crois. Oh, oh, je crois, je crois. Aujourd'hui c'est la détresse, la solitude et l'angoisse. Les eaux consumées par le stress, de voir le jour qui passe. Mais les yeux fixés sur la promesse qui s'accomplira par sa grâce. Ça finira par marcher, ça finira par arriver. Je crois, je crois. Aujourd'hui c'est la détresse, la solitude et l'angoisse. Les eaux consumées par le stress, de voir le jour qui passe. Mais les yeux fixés sur la promesse qui s'accomplira par sa grâce. Ça finira par marcher, ça finira par arriver. Je crois, je crois. Oh, oh, je crois, je crois. Ça finira par marcher. Il y a vraiment un temps pour tout. Elle va passer. Ça finira par aller. Ça finira par aller. Il y a vraiment un temps pour tout. Elle va passer. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux refaire. Et dans les cieux, sur la terre, je n'ai que toi, tendre Père. Je lève mes yeux vers les montagnes. Quand l'ennemi vient avec hargne, ta puissance m'épargne. Dans ta gloire, tu m'accompagnes. Ça finira par marcher. Il y a un temps pour tout. Elle va passer. La sombre nuit va passer. bonheur est à nous, ça finira par aller. Ça finira par aller. Il y a vraiment un temps pour tout. Elle va passer. Et nous irons jusqu'au bout, car le bonheur est à nous. Et nous irons jusqu'au bout, car le bonheur est à nous. Soutenu par sa parole, le bonheur est à nous. Et nous irons jusqu'au bout, car le bonheur est à nous. Oh oui, tu passeras de l'autre côté, tu chanteras mon Dieu est fidèle. Et nous irons jusqu'au bout, car le bonheur est à nous. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour est à nous. Lélélé. Garde espoir, il agira. Ça finira par marcher. Tant que n'a pas dit le dernier mot, tant que tu respires encore, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Garde espoir, marche encore. Garde la foi, ça ira. Tu témoigneras sa fidélité. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. La mer va se séparer, les murailles vont s'écouler. Tu passeras de l'autre côté, tu chanteras mon Dieu est fidèle. Yélélélé. Tu chanteras mon Dieu est fidèle. Ah, ah. Ne perds pas l'espoir, garde espoir mon frère, ça finira par marcher. Tu finiras par chanter, tu n'es pas en retard, tu es dans le temps de Dieu. Garde encore la foi, il y a encore quelques pas à faire.